Vous m'offriez jadis une fortune, dit-elle en rougissant. Ah, ma petite mère, il y a 3 ans, reprit Crevel. Oh, vous êtes plus belle que je ne vous ai jamais vue, s'écria-t-elle en saisissant le bras de la baronne et le serrant contre son cœur. Vous avez de la mémoire, chère enfant, sapristi. Eh bien, comme vous avez eu tort de faire la bégueule, car les 300 000 francs que vous avez noblement refusés sont dans l'escarcelle d'une autre. Je vous aimais et je vous aime encore, mais reportons-nous à 3 ans d'ici. Quand je vous disais « je vous aurai », quel était mon dessein? Je voulais me venger de ce scélérat de Hulot. Or votre mari, ma belle, a pris pour maîtresse un bijou de femme, une perle, une petite finaude, alors âgée de 23 ans, car elle en a 26 aujourd'hui. J'ai trouvé plus drôle, plus complet, plus Louis XV, plus maréchal de Richelieu, plus corsé, de lui souffler cette charmante créature, qui d'ailleurs n'a jamais aimé Hulot, et qui depuis 3 ans est folle de votre serviteur. » En disant cela, Crevel, des mains de qui la baronne avait retiré ses mains, s'était remis en position. Il tenait ses entournures et battait son torse de ses 2 mains, comme par 2 ailes, en croyant se rendre désirable et charmant. Il semblait dire « Voilà l'homme que vous avez mis à la porte !»